Histoire d'un moineau. Histoire vraie. Dans notre maison, derrière les volets, un moineau fit son nid et pondit 5 œufs. Nous regardions, ma sœur et moi, le moineau apporter le duvet et la paille nécessaires à la construction du nid. Nous nous réjouîmes beaucoup lorsque nous aperçûmes des œufs. Le moineau n'apportait plus ni plumes ni paille, mais se couchait sur les œufs. Un autre oiseau, qu'on nous dit être le mari, apportait à sa femme des vers pour la nourrir. Quelques jours après, nous entendîmes de petits cris et nous regardâmes ce qui se passait dans le nid. Il y avait 5 petits oiseaux tout nus, sans ailes, sans plumes. Leur petit bec était mou et leur tête très grosse. Nous les trouvions laids et nous ne nous réjouissons plus à leur vue. Cependant, nous regardions de temps en temps ce qu'ils faisaient. Leur mère s'en allait chercher leur nourriture, et lorsqu'elle revenait, les petits moineaux poussaient des cris plaintifs et ouvraient le bec. Alors, la mère leur distribuait des morceaux de verre. 8 jours après, les petits oiseaux devenus plus gros se couvrirent de duvet et embellirent beaucoup, ce qui nous les fit regarder plus souvent. Un matin, près de la fenêtre, nous trouvâmes le vieux moineau mort au bas du volet. Nous pensâmes que l'oiseau s'était posé là, à la nuit, qu'il s'était endormi et qu'on l'avait écrasé en fermant le volet. Nous jetâmes le vieux moineau sur l'herbe. Les petits criaient, sortaient leur tête et ouvraient le bec, mais il n'y avait plus personne pour leur donner à manger. Notre sœur aînée nous dit « Voilà, maintenant, ils n'ont plus de mère, plus personne pour les nourrir. Élevons-les. » Et nous prîmes joyeux une petite caisse que nous remplîmes droite pour y déposer le nid et les 5 oiseaux que nous emportâmes dans notre chambre. Il fallut chercher des vers et tremper du pain dans du lait pour nourrir nos petits affamés. Ils mangeaient bien, secouaient leurs petites têtes, nettoyaient leur bec sur le bord de la caisse. Ils étaient très gais. Ils mangèrent ainsi toute la journée et nous étions heureux de les voir. Le lendemain, en allant regarder dans la caisse, nous trouvâmes le plus petit mort, ses pattes empigées dans le coton. Nous retirâmes aussitôt le coton pour éviter ce danger aux autres et nous le remplaçâmes par de la mousse. Mais vers le soir, 2 autres moineaux étendirent leurs ailes, ouvrirent le bec et moururent aussi. 2 jours après, le 4e périt. Il ne nous en restait plus qu'un. On nous assura que nous leur avions donné trop à manger. Ma sœur pleurait, et elle se chargea d'élever toute seule le dernier. Quant à nous, il ne nous était plus permis que de le regarder. Le dernier moineau était gai, bien portant, vivant. Nous lui donnâmes le nom de Jivchik. Jivchik, vivant. Il vivait si bien qu'il commençait à voler et à répondre à son nom. Quand ma sœur lui criait « Jivchik, Jivchik !» Il arrivait, se posait sur son épaule, sur sa tête ou sur sa main, et elle lui donnait à manger. Enfin, il devint fort et put se nourrir lui-même. Il vivait dans notre chambre et quelquefois s'envolait par la fenêtre, mais il revenait toujours dans sa caisse pour la nuit. Un matin, il resta dans sa caisse. Son plumage se mouilla et se hérissa, comme celui de ses frères, lorsqu'ils étaient sur le point de mourir. Ma sœur ne quittait pas Jivchik et le soignait, mais l'oiseau ne mangeait ni ne buvait rien. Il fut malade pendant 3 jours et le 4e, il mourut. Quand nous le vîmes mort, étendu sur le dos, ses petites pattes racoquillées, tous 3 nous pleurâmes si fort que notre mère vint nous demander la cause de notre douleur. En apercevant l'oiseau mort, elle comprit notre peine. Pendant plusieurs jours, ma sœur aînée ne put ni jouer ni manger car elle pleurait sans cesse. Nous avons enveloppé Jivchik dans le plus beau chiffon, nous l'avons mis dans une petite boîte en bois et après nous l'avons enterré dans le jardin. Au-dessus de sa tombe, nous avons élevé un tertre et posé une pierre.